Si jolie, on te s'attendrait. La ligne, on te s'appelle la bague au pilon. Sans fille, on me quitte, on néglige. À l'hiver, le bonjour t'a ma belle. Il est à Oyo, tu sais, la sonne, il m'a dit, la gomme, la vase, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la gomme, la Thank you.